les siècles qui courent à travers l'histoire comme un voyageur. Dans le secret des pierres qui n'ont plus de visage depuis si longtemps. Vaisseau de verre.